lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lauriers. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Je suis Sarah, j'écoute 70%. Et les vieilles salopes sur YouTube? Ouais, aussi, et puis un peu tout le monde en même temps. Bonsoir, en manchette ce soir, vol de banque, selfie et loterie. Et à la production de ta cire d'oreille ce soir, Mathieu Boudreau, Tommy Colin-Vallée, Marianne Tremblay-Gosselin, Mathieu Portelance, Étienne Lapointe, ainsi que notre invité, Guillaume Blais. En direct du Brouhaha à Montréal, vous écoutez 70%. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouveau 70% direct du Brouhaha de Rosemont à Montréal. D'emblée, merci beaucoup aux douchebags. Quelle incroyable performance, comme d'habitude. On les paye en bière, ce qui me semble fit bien pour un douchebag. On commence, Bruno, tout de suite dans le vif du sujet. Ça faisait longtemps que je voulais te montrer ça. Il y a eu les vacances et tout. On a été quand même pas mal occupés. Je t'ai montré mon compte Tinder. Oui. Puis toi, vu que tu es un expert de longue date, j'aimerais ça que tu me donnes des conseils un petit peu pour trouver la joueuse de Magic de mes rêves. Je sais pas si c'est Tinder la bonne place. Ah, déjà, peut-être que je devais... Plenty of Fish, genre Badou? OkCupid, peut-être? OK, c'est J'ai l'impression que le monde mente moins sur OkCupid. Moi, c'est ça que je veux. Je veux tes impressions à ce moment-ci, c'est sûr et certain. Et puis sinon, qu'est-ce qui se passe de bon pour toi? As-tu vu un bon film dernièrement? Moi, j'ai vu Die Imagine. C'est une affaire de 1966. Et ce qui est particulier avec ce film-là, c'est qu'ils en ont sorti trois. C'est devenu le Die Imagine canon avec un K, parce que c'est japonais. Et ils ont sorti les trois en 1966. C'est vraiment une drôle de stratégie de distribution, ça-là. Et là, t'as comme trois films. Puis le premier est vraiment excellent. C'est l'histoire d'un village qui est terrorisé. Puis là, le village, ils ont un dieu qui est comme une silhouette de pierre qui... se réveille à la fin parce que vraiment le méchant a brassé trop de marde, puis là il godzilloise tout le monde, puis tout fait que là les gentils peuvent reprendre le contrôle des ruines puis recommencer à reconstruire. Mais bon, il y a plus de méchants, fait que c'est le fun de pas avoir à mourir pour dire quelque chose, t'sais. Mais c'est ça, je voulais juste parler de la méthode de distribution. J'ai jamais vu ça. Une trilogie qui sort toute la même année. Toute la même année, tu sais, jump pack, là, let's go, on a un autre à pousser, il faut que lui, vous l'aimiez, là, tu sais, c'est... puis tu peux pas t'adapter non plus. Mais ils avaient peut-être tout produit à l'avance, puis ils étaient rendus à les sortir, je sais pas. Moi, j'ai regardé Wizards de Ralph Bakshi. OK. C'est comme un post-apocalyptique d'animation, de métaphore de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Avec la pitoune aux grosses balles. Oui, il y en a pas mal dans les films de Ralph Bakshi. Oui, je pense qu'il aime ça gros. Gros et rond. Oui. C'est ça, fuck la gravité là-dessus. Ben, merci d'être avec nous encore une fois, Bruno, pour ce soir. On est lancé dans un 2017 qui devrait s'annoncer pas pire. Et pour commencer... en fait, Alex, il a travaillé comme un bœuf tantôt. Il nous a plugué ça. On va avoir un band au complet. Et là, pour l'instant, on accueille le leader, le transmuteur level 22 qui lead cette gang-là dans les territoires interdits. On parle bien entendu de notre invité, Guillaume Blais, mesdames, messieurs. Guillaume. Salut, mon gars. Ils nous ont dit que vous étiez pour être deux, finalement. Oui, mon modérateur est en train de jouer de la guitare là-bas. Fait qu'il s'en vient maintenant. OK, c'est... et voilà. Présente-nous ton copain. Ben oui, Kevin Tom, guitariste Jedi 5 étoiles. Jedi, grosse responsabilité. il dit qu'il n'a pas peur. Ben les gars, dans le fond, on vous a invité en tant que blé entier, mais moi, tout d'abord, je veux parler à Guillaume Blé. C'est sûr et certain. Toi, qu'est-ce qui t'a amené vers les arts occultes? Pourquoi t'as développé tes habiletés avec la transmutation? Écoute, ça, c'est une question. Ça m'est pogné un dimanche au soir, en marchant vers le soleil couchant. Je me suis dit que j'aimais la nuit, finalement. Ouais, ah, c'est bon. Ouais, ça... Et là, t'as décidé de développer la musique parce que être grand, c'était pas assez avec les filles ou? Exactement. Ouais. Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut mettre toutes les chances de son bord. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Et puis, ça fait combien de temps? Tu sais, on va poser ça à ton ami Kevin. Là. Fait combien de temps vous êtes dans blé entier? Ça va faire 6 ans, là. 6 ans cet été. 6 ans? Ouais. Ça apprécie, hein? 2010. Un projet bénévole qui dure depuis 6 ans. On lâche pas. T'es un capoté. Use the force. Ben oui, c'est sûr. Puis toi, t'as commencé parce que c'était pour aider avec les filles. La musique. Tu joues de la bass, par contre? Ouais. N'hésite pas à parler dans ton micro, on veut t'entendre. Tu connais ça, toi? Moi, les filles, bon, j'en connais 3, 4. Allô? Sinon, est-ce que tu joues à Magic? À Magic, non. Pas non, toi non plus. Hein? J'ai déjà essayé ça. Okay. On n'en parlera plus. J'ai un Wall of Wood chez nous, je sais pas quoi faire avec... T'as mis les collections. Tu me niaises. Ben, t'as entendu parler, je suis sûr. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était vraiment important de te dire que j'avais un Wall of Wood chez nous. Je suis d'accord avec ce que la personne m'a dit. J'ai même 4 Wall of Wood. Tu sais, ça fait une pièce fermée. Tu sais, c'est magnifique. Ben, c'est bon, j'aime ça comment tu penses. Puis là, t'as-tu une Door of Wood? Non. Ça existe même pas, non, c'est un piège. C'est comme un cubicule of wood, finalement. Un cubicule. C'est comme une cellule capitonnée que les gens se rendent de leur propre gré. C'est ça. Ça met la crème sur son dos, ça remet la crème dans la chaudière. C'est ça. Et puis, sinon, comme band, c'est sûr, il y a des frictions à l'intérieur et tout. C'est quel le plus fatigant? Celui qui skip les pratiques, là. C'est pas toi, Guillaume? Moi, je te dirais que c'est celui qui ronfle, mais tu sais, on y a monté une roulotte VIP, là, puis depuis ce temps-là, on n'a plus jamais eu de problème. Fait que là, il est mieux de pas guérir son problème d'apnée du sommeil, parce que sinon, il va retourner dormir avec vous autres. Ouais, non, c'est ça. Ça coûte moins cher. Il faut quand même traîner ça, cette roulotte-là. Puis, c'est une bonne attitude. Ça défonce notre budget de gaz. L'hostie de roulotte pour celui qui ronfle. Bon, ben c'est bon. Je pense qu'on sait tout s'il de qui on parle. S'il pouvait courir en arrière du truck comme il court en boxeur autour des chalets, là... Ah, c'est drôle, ça aussi. Je le nommerai pas. Là. Ben non, mais tout le monde, c'est qui? C'est les meilleures jambes du band, c'est sûr. Là, là, vous avez une fille dans le band, puis elle joue même pas de violon. Non, nous autres, on s'est décidé que le violon, c'était pas nécessaire. Ben, OK. C'est particulier, parce que c'est une fille. Puis elle joue même pas de violon, là. Parce que vous faites du folk, hein, c'est plus dans cette tranche-là. C'est du pop-rop, là. Fait qu'on s'est dit que de l'accordéon, c'était assez baveux. T'as-tu appelé ça du pop-rop? Du pop-rop. J'aime ça. J'aime bien, j'aime ça. Ben en tout cas, content de vous avoir avec nous ce soir. On va avoir une performance live tantôt. Peut-être avant qu'on aille vers autre chose, j'aimerais ça que vous imitiez votre rire démoniaque, genre. Ouais, come on, chante là. Ah, c'est pas pire, version sorcière. On va écouter Kevin un peu. Ah, lui, il est bon. Merci, les gars. Ah ouais, on peut les applaudir. Merci, hey! Merci. Ce qui va nous amener, à partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui vont passer. Vous avez un micro à deux. N'hésitez pas à vous coller. On aime ça quand vous démontrez de l'amour. Ce qui nous amène dans le 70%. Go, les douchebags! Ah! Towanda Shields de Philadelphie, en Pennsylvanie, joue très souvent à la loterie. Mais malheureusement, pour elle, elle ne gagne jamais. Persuadée qu'elle est une minorité dans cette situation, Shields a décidé d'appeler le bureau de la loterie de la Pennsylvanie afin de laisser des menaces de mort aux employés sur leur boîte vocale. Nommant les employés, qu'elle allait tuer et affirmant qu'elle allait trouver leurs adresses en ligne. La femme de 47 ans a été arrêtée pour menace terroriste. Ouais, c'est ça qu'ils font à cette heure. Ils appellent ça une menace. Ah oui, tout peut devenir une menace terroriste. Ouais. Là, tu peux mettre en prison sans poser de questions pendant un temps. Voilà. C'est quand même. Mais là, tu es en train de me dire qu'elle connaissait le nom des employés. Bon, j'imagine qu'elle les a trouvés sur le site web. Là, qui ah, Chris, elle a mené l'enquête, hein, la madame. Ah, ouais. Ça, tu vois, c'est un jeu en ligne qu'elle a gagné. Là. Ouais, exactement. Let's go, next! Oui, on s'en va en petit bloc. Bon, c'est ça. Une femme de 46 ans qui visitait le parc national de Koh Yai en Thaïlande avec son mari a décidé de s'approcher d'un crocodile afin de prendre un selfie avec quand le prévisible est arrivé. La femme aurait glissé et serait tombée à côté du reptile qui l'aurait ensuite mordu à la cuisse. Elle a été transportée à l'hôpital où on ne craint pas pour sa vie. Ouais. Et, est-ce que la photo a été prise, finalement? Non, elle a été... Et en Inde, un étudiant en ingénierie de 21 ans voulait se prendre en selfie avec un train qui s'en venait vers lui en background quand le prévisible est arrivé. L'homme a été frappé de plein fouet et projeté sur une distance de 30 mètres. Il serait mort sur le coup. C'est un Darwin Award. Ah, c'est vraiment un Darwin Award. Je me demande c'est quoi les dernières affaires auxquelles il a pensé. OK, j'ai pris la photo. Attends. C'est quoi, Star? Il est pas assez proche. Il est pas assez proche. Il est pas assez proche. Mauvaise idée. Esti de calice. Mais ça, c'est des vraies nouvelles de notre planète, là. La nôtre. T'en as-tu une autre pour le premier? Moi, je peux en faire une dernière. Après s'être sauvée de la police, une femme de York Haven en Pennsylvanie est allée se cacher en se stationnant sur une rampe de mise à l'eau pour boire sa bière. Quand les policiers ont fini par la trouver, la femme a décidé d'accélérer vers la rivière propulsant son véhicule à 6 mètres de la rive. Les policiers ont tenté de raisonner avec elle, mais la femme a décidé de rester dans son véhicule et de continuer à boire sa bière. Finalement, un bateau a dû être utilisé pour déloger la femme de son véhicule. La femme a été transportée à l'hôpital où aucune accusation n'a été portée contre elle encore. Okay. Encore. Ouais. Je pense qu'ils vont trouver quelque chose. Ouais. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs, de toute beauté. Sacré fait ça. Est-ce que t'es politisé, toi, Guillaume Blais? Ça dépend de quoi on parle. OK. Est-ce que tu penses que c'est normal d'acheter des bananes vertes pour les laisser jaunir? Ben, ça dépend. C'est parce que si tu les achètes toutes de la même couleur, il va falloir que tu aies un gros projet pour les manger à temps. Ah, on parle de gâteaux aux bananes, j'aime ça. Oui. J'aime ça, on parle de gâteaux aux bananes. Ah, tu cuisines, toi? Let's go, on passe au prochain. Ils sont têtes, mes douchebags. Je suis pas content encore. La semaine passée, il y a quelqu'un qui a pris mon spot de premier chroniqueur. Puis il a fait une chanson sur la musique de mes douchebags. C'est inacceptable. On vole pas mon gig de chanter sur de la musique. C'est à moins ça. On reconnaît une invention que t'as faite en 2016, vraiment, chanter sur de la musique. Puis là, comme tu vois, je suis en battle gear à soir, fait que je vais défier un chroniqueur masqué qui a honte de se montrer. Ça, c'est comme une équipe de la NFL qui a pas fait les séries depuis 20 ans. Femme ta gueule, non! Ça, c'est les Cowboys qui l'ont fait une fois en 10 ans. OK. Il est où, là? Il s'en vient-tu? Ah, il est là! Loin de moi l'idée de Tom Origéné, la merveille masquée. Soyez pas nono, c'est l'ami Boudreau. Sans quel imaginaire, on voudrait tous le sortir de son enfer. Mais il est enfermé dans une chambre pas de clé, à jouer au Lego, trempé dans l'LSD. On raffole tous ses dents de doigts quand nous envoie chier. On raffole en attendant juste une affaire, se faire boudrer. Ouf. J'aurais pas besoin de ça. 3, 4. Va chier! Si t'insistes, puis mange-en, c'est gratis. Qu'est-ce que tu veux à mon fils? Tu trouves pas qu'il a assez enduré de supplice? Cage électrique, bouffe à chien, j'ai juste ça des tricks de torture clé en main. Fais 5 ans que je te colle les métaphores, il existe pas cet enfant-là, fais un effort. Des efforts, métaphores, qu'est-ce que tu veux? Que je me transforme en centaure? T'es un dangereux, mais tu rimes rien qu'à deux. T'es un conquérant, cohérent, au bouillant. Tempérament, t'es pas le bomb killer, t'es un chum réel. Pis tu casses tout à Montréal. Wow. Wow, calme tes nerfs, le grand-père, tu me complimentes, mais ça se peut-tu que tu me mentes une pointe de jalousie comme quand je t'ai vu en bikini? Un corps de dieu grec, tu représentes le Québec. Agile, subtil, intelligent, entre gens, c'est pour toi ces compliments-là. Bien sûr, je t'ai dit en imaginant que t'as plus de vêtements. Faut pas oublier celui qui sort pas souvent, le dénommé Sylvain au prénom Serpent. Ce stage, il est perdu, il est jamais bien, il sait pas où il est rendu. Il est encore pire que moi quand l'alcool j'ai abusé, ben plus game que moi, pas sa graine, il l'a montré. Derrière le style lutrin qu'on va finir par casser. C'est sans panique qu'on fait nos chroniques tous les deux. On est douteux, on fait un show de radio. Et c'est donc avec grâce que je te laisse le dernier mot. Oh! Métaphoriser dans un style rimé, pas toujours facile de m'y retrouver. Pas parce que je suis un imbécile, j'ai juste trop fumé. C'est fin vouloir que je finisse. Pour écrire ça, il a fallu qu'on s'unisse. Je te tire mon chapeau en communication. On est des pros, gros. Anyway, gars, des deux, c'est moi qui ai la plus grosse graine. Hey, y a quasiment une morale là-dedans. Merci, merci. C'était un melting pot et Étienne Lapointe, accompagné par les douchebags. C'était un rap battle de compliments. Quelque chose de c'est même, ça que j'ai je compris, pense que moi. C'est ça. Mais moi, c'est une affaire que je trouve vraiment plate dans les rap battles parce que ça finit tout le temps en insultes. Ça commence en insultes aussi. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça le concept. Moi, si jamais je suis invité à un, c'est sûr et certain que je vais complimenter le gars sur son chalet d'un bout à l'autre. Même s'il n'y a pas de chalet. Tu vois? Ça bat le... C'est un combat. C'est un combat. Non, non, son chalet est plus beau que le mien. C'est, ouais, c'est ça. Tommy, ça s'appelle quand même un rap battle. Ben non, mais je peux arriver avec... Non, non, j'ai confiance. Tu vas aller à son chalet. Ah ouais. Si tu veux qu'il t'invite. Son là, chalet est ouvert à tout le monde. Oui, donc, invite-moi donc à ton chalet dans le bois. Jacuzzi, oui, merci. OK, je pense qu'on peut aller au prochain. Oh! Non seulement j'ai fêté la fête des rois, mais j'ai trouvé la fève. Hey, on l'oublie tout le temps, celle-là. La j'ai preuve. La preuve ici. Ben, c'est pas une fève, en fait. C'est une figurine de porcelaine d'un ange. C'est super cute. Mais tu c'est moi qui l'ai pas mangé. Je l'ai pas avalé. Je l'ai gagné. J'ai gagné la couronne. Fait que je suis comme un enfant qui est au Burger King en ce moment-là. Hey, t'as-tu passé des belles fêtes, Tommy? Moi, ça a brassé en nasty, dude. J'ai été sous comme j'ai rarement été sous. J'aime bien ça. Longtemps, genre. Pas sur une courte, vraiment, vraiment, en tout cas. C'est super intéressant ce que tu me dis, Tommy, mais... Moi, j'en ai profité pour faire ma visite annuelle chez ma mère, puis je me suis réveillé le passé, cet hiver, en fouillant dans mes vieilles boîtes de cossins de quand j'étais petit, que j'ai pas rapatrié chez nous, et j'ai découvert un peu pourquoi j'avais un comportement de collectionneur qui finit jamais ses collections. J'ai retrouvé des vieux albums d'autocollants de quand j'étais jeune, Rambo! Puis, on va regarder ça ensemble, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie là-dedans. Ah, mais c'est un sacré dossier, ça. Ça, c'est un gros dossier, puis on va essayer de le mener à terme, OK? Si tu veux bien. On va commencer... Fait que là, ça n'aura plus rapport à la fête des rois? Non, ça, c'est juste pour faire chier le monde. Tu peux, là, t'es le roi. Je suis le roi! Voyons! Fait qu'on va commencer, j'en ai apporté quatre, OK? Puis il y a une filiation. Il y a les deux premiers que je vais vous présenter. C'était mon frère, puis c'est lui un peu qui m'a initié à ne pas finir les collections d'autocollants. Ah, t'as un grand frère? J'ai un grand frère. Il est quand même pas mal plus vieux que moi. Là. On a à peu près 6-7 ans de différence. OK, OK. Ouais. T'as-tu une sœur? Oui, j'ai une sœur. Allô? Elle est plus jeune. Ah, OK, c'est cool. Oui, elle est vraiment plus jeune que toi. Là. Et over your league. Tant mieux pour elle. Ouais, c'est ça. Arrête d'y donner le goût. C'est parce que là, je voyais la bave à terre. Puis on va prendre une mop ici, s'il vous plaît. Après. Fait que, dans le fond, je vais commencer avec Rambo. Puis là, on voit déjà hein, que j'ai pu laisser aller ma créativité d'enfant dessus en mettant des barbeaux bleus. Ça, c'est le genre d'album-là, quand il est plein, là, puis qu'il est beau, là, ça vaut à peu près 70$. Encore aujourd'hui. Crime. Puis hein? Là, il vaut rien parce que je l'ai tout scrabé. Ben oui, tu l'as tout On va commencer par... Tu l'as même pas fini. Tu sais, tu l'ouvres, là, puis c'est écrit dedans. Alors, malédiction! Est-ce que je me libérerai jamais de lui? Puis là, ce que tu comprends, c'est que comme t'as... En fait, un album d'autocollant, pour ceux qui n'ont pas vécu ça, OK, avant les cartes Pokémon et compagnie, là, c'est comme si tu faisais des print screens de ton émission préférée puis tu mettais ça dans un gros cartable. Fait que dans le fond, en gros, c'est que tu collectionnes des collants sur lesquels il y a des images de la série télé, puis en dessous avec des descriptions où on t'explique c'est quoi qui se passe. Ça sert à fuck all. Fait que t'as tous les épisodes, genre, puis là tu vois j'ai que. Vu un ninja, j'ai vu un là, ninja. Tu vois que mon frère, il a vraiment pas collectionné grand chose. Il a probablement juste acheté le starter pack, puis il a collé les collants qu'il y avait dedans, puis c'était tout. Ouais. Puis là, il t'a dit, finis ça, mon frère. Non, alors, il a écrit ça quelque part dans une boîte, puis ça a fini là. Pour Si tu me permets, gars, faut pas oublier que c'est le dessin animé, il y a 65 épisodes, et c'est Rambo. C'est Rambo. And the Forces of Freedom. Et les Forces of Freedom, attachez-vous pas trop parce que ça sert à rien en tabarnak. Mais là, t'en as quatre à faire, il va falloir accélérer. Là, la deuxième que j'ai apportée, c'est Thundercats, encore de la même édition Panini. Là, on est en 86. À ce moment-là, j'ai à peu près 3 ans. Là, okay? Ouais. Les Thundercats, qui en français s'appellent les Cosmocats, parce que quand tu fais une traduction en France, ben, ouais. Tu fais pas vraiment une traduction, tu fais une interprétation encore en anglais. Puis probablement que par Cosmocats, ce qu'il voulait dire, c'est une gang de chats qui se retrouvent pour boire des cosmopolitains. C'est ça qui fait plus de sens. Fait qu'encore une fois, là, on a une amélioration ici. On a des collants qui sont foil. Métalliques, là. Il y a quelque chose là, qui se passe. On a un plus-value ici. J'ai l'impression qu'il y a plus de budget dans l'album d'autocollants que dans l'émission. C'est présenté par Snurf qui essaie de nous faire croire que c'est lui qui fait tout dans l'équipe. Puis que les autres, c'est des mangeurs de merde qui font juste profiter de lui. Puis encore une fois, c'est des épisodes qu'on voit avec des print screens, finalement. Puis ça sert à fuck. Ce que j'aime bien dans l'édition Panini, c'est qu'à la fin, ils disent comment aller chercher les collants qui te manquent. Puis quand tu arrives au Canada, c'est les seuls qui te disent que tu peux échanger tes doubles avec tes amis. C'est cute, hein? Ah, il y a juste au Canada que tu peux faire. Il y a juste au Canada qui te disent achète ça, là. Ouais. Ouais, tu peux les échanger. On va aller un petit peu plus loin. On est rendu en 89 avec Nintendo. Ah, ça c'est vraiment nice parce que ça vient avec des jeux à l'intérieur. Est-ce qu'il a l'air ortho? Il donnait un décodeur magique qui te permet de voir les images qui sont cachées en dessous de l'affaire rouge que tu vois quand même si t'as pas le décodeur! Le décodeur! Ouais. Puis j'étais tellement wise dans ce temps-là, puis ça c'est à moi, puis je l'ai pas fini là, parce que j'étais encore trop petit, mais j'avais tout encerclé les réponses! Parce que j'ai perdu le décodeur, bien sûr. Puis bon, t'as une partie que c'est Nintendo, c'est Super Mario Bros. Puis l'autre partie, c'est Link. Donc Zelda 2, en fait. Le Zelda le plus ça apprécié. Fait, ouais, le plus apprécié. Ben, c'était à l'époque. Moi, j'aimais ça, ce jeu-là. Oh, ça vieillit bien. Mais pour tous les jeux, ils donnent une carte de score, voir si t'as bien fait. Puis en tout cas, c'est bien ça. Le quatrième, en fait, que j'ai apporté, c'est Twilight. C'est 95, là. Ah, ouais. c'est écrit en chiffres romains, là. C'est Mortal Kombat. Lui, il manque 15 autocollants pour le film. J'ai quasiment le goût d'en acheter. C'est une de tes plus belles presque réussites. Écoute, j'aurais le goût de m'en racheter puis de trouver 14 autocollants qui me manquent puis de le mettre dans une bibliothèque et ne plus jamais y toucher. Je pense que j'aurais vraiment atteint quelque chose dans ma vie. Fait que ça, t'as ça dans des caisses qui traînaient chez ta mère. Ouais, ouais, ça, puis mes abonnements au club Lego. Avais-tu du Magic shop, aussi, man, tu peux souvent, tout c'est là. Non, les cartes Magic, c'est arrivé après. OK, c'est bon, après. C'est bon. Lui, ce qui est le fun, c'est que t'as des foils, mais il y a des flocons en arrière! Un metal flake! T'as comme un metal flake! Puis là, t'as, à la fin, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais t'as comme le show live de Mortal Kombat avec des collants. puis il y a tous les personnages. Puis quand t'arrives à Chansung, c'est juste un gars blanc. Le sorcier trop, démoniaque. Il est trop pâle, il a un bandeau rouge, puis il a pas l'air vraiment très effrayant. Je sais pas pourquoi ils ont casté ce gars-là, mais c'est pas... Je sais pas. En tout cas, c'est... On s'en calisse pas mal. On l'a écouté dernièrement, en plus, à Lille. Tu parlais-tu de Christophe Lambert? Non, Chansung. Chansung, le sorcier méchant, démoniaque au pouvoir considérable. Au pouvoir démoniaque considérable. Ouais. L'envoyé de l'empereur d'Outotombe sur le pays de la lumière pour gagner 10 Mortal Kombat d'affilée. Je vous reviens après 10 heures d'explication. OK. Merci, Tommy. Merci, Vincent Marie. TCB, mesdames, messieurs. Là, il a dit quelque chose d'important, là, lui. On a parlé quand même des rois mages. Un petit peu de respect pour la fête des rois mages. Est-ce que vous savez c'est quoi, cette fête-là, vous autres? Tu manges une galette, puis si tu pognes une bine, tu te mets une couronne sur la tête. Toi, Kevin, t'as-tu... OK, on est à la même place. À date, merci, Guillaume, tu viens de nous en apprendre. J'ai vu ça à TV, là. Non, on était trop... L'éducation à TV, c'est la meilleure affaire pour une humanité forte. On t'amène trop catho à la maison pour faire des fêtes païennes comme ça. Est-ce que t'as fait des héros? Oh, on est prêt pour le prochain. C'était écœurant. Ouais, c'est encore moins. T'as l'air essoufflé. J'ai du charisme en tabarnak, pareil, hein. Un hommage, on me demande de participer à un hommage à moi. Je suis l'inconnu le plus hot en ville. C'est incroyable. J'ai checké sur mon cell, Tinder s'est installé tout seul. On invite les gens à swiper. C'est ça. Swipe du côté que tu veux. Fait que, salut Tommy. Salut Mathieu. Bruno. Allô Mathieu. Blais. Ouais. Hein? Jackie Chang? C'est une joke, là. Tu peux dire Elvis Wong. Elvis Wong aussi. Je préfère ma joke de Jackie Chang. Mais bon, c'est... écoute, souvent, j'envoie chier le public. Souvent. Et tu me connais, je le fais avec le plus d'amour qu'il m'est possible de donner. Mais malgré ça, il y a quand même quelqu'un qui m'a écrit cette semaine. Et j'aimerais vous en faire part. Il dit, cher Mathieu... On se calme. Je suis tes chroniques à 70% depuis plus de 5 ans et même si tu refais sans arrêt les mêmes blagues, j'y trouve mon compte. Il faut dire que je ne suis pas très populaire auprès des autres en général et que l'on me qualifie de produit laid. Mais je ne t'écris pas pour parler de ma dépression. Si je t'écris, c'est que depuis plus d'un an, j'ai remarqué une tendance que tu as à envoyer chier le public. Bien que je trouve cela très très drôle, très très drôle. Hein, je me demande pourquoi. Et c'est signé le petit gros du secondaire. Eh bien non mais. On se reconnaît tous un peu. Bien sûr, hein, comme lui, en passant, vous pouvez m'écrire à l'adresse jesuschris@gmail.com. Hein. D'un mot avec des fautes d'orthographe. C'est ça. chupas jesuschris, chriss, @gmail.com. Donc, répondons. Hein. Très cher meilleur ami du petit roux et du maigrichon, je me reconnais là-dedans. En premier lieu, va chier. Ouais. Va chier parce que tu poses la mauvaise question. Bon, en même temps, hein, bravo, là, tu poses déjà une question. Hein. Ça, c'est poser une question, c'est faire face à l'ignorance. Et ça, c'est quelque chose de plutôt rare dans la société de marde dans laquelle on vit. Mais... c'est wrong, OK? Tu poses la mauvaise question. C'est pas pourquoi j'envoie chier les gens, mais plutôt comment hein, j'en suis venu à envoyer chier les gens. Eh bien, il y a très longtemps, dans un royaume, le royaume du capitaine Alice, vivait Steve. Et Steve était très intelligent, mais il avait la malchance d'être né dans une famille pauvre. Donc, je te raconterai pas de fable, hein? Nous sommes des adultes. On peut se dire les vraies choses, je pense. On peut nommer les choses par leur nom. Hein. Appelons un chat une chatte. Hein? Appelons-la comme ça. Vous me dégoûtez. Voilà. Je l'ai dit. Chacun d'entre vous individuellement, mais aussi collectivement. Hein? Et bon, là, j'allais dire, c'est surtout collectivement que je vous déteste, mais c'est pas vrai. C'est plus individuellement que ça me choque. C'est parce que on est là devant la grandeur de la connerie collective, hein, désemparé, frustré, incapable de dire autre chose que « Ben, c'est comme ça! On t'a aussi pas de se faire à l'idée! C'est pas demain que ça va changer! Il est donc ben bon, le petit Alexandre! » À la voix. Bon, quant au fond de nous, on le sait très bien. On le sait très bien que changer individuellement fait changer la collectivité. Hein? Pensez, ça prend juste un gars là, pour leader une foule. C'est vrai. T'es? Un qui arrête de fumer pour que tout le monde arrête. Ben voilà. Voilà. En tout cas, je réfléchis à ça. Mais attention, je veux qu'on assume l'amalgame dans ce que je suis en train de dire. Je m'inclus hein, dans cette foule-là. Je ne suis pas un leader de la pensée. Je vais chier. Moi aussi, je suis influençable. Je suis aussi influençable que toi. Un peu moins que toi, mais quand même. Je suis quand même influençable. Je dois pas être le seul non plus. Je veux dire, par applaudissement, qui se regarde aller? Qui voit ça, ce que je suis en train de dire? Bon, c'est déjà pas pire parce que moi, je comprends pas du tout où ce que je suis rendu. Ben, j'ai l'impression qu'on est tous pareils. Hein? J'ai l'impression qu'on est un peu dans le déni. Hein? On se ment à nous-mêmes constamment. Hein? On se dit, ben non, ce fille-là profite pas de moi. On se dit, ben non, c'est pas vrai que je suis trop fin que mon boss. On se dit, bah, c'est pas grave, je m'en ferai d'autres, des enfants. Tu sais, la réalité, hein? La réalité, c'est qu'il n'y a rien qui change parce que plus personne est responsable de rien. Hein? Genre, j'avais bu du lave-glace. Genre. Ça, c'est un exemple qui date quand même de quelques années. C'est vrai. On est rendu plus loin que ça. Non, je pense qu'en résumé, je nous déteste parce qu'on est égocentrique, irresponsable et menteur. En fait, je nous déteste parce qu'on ressemble tout à Donald Trump. Le T-word. C'est là que je suis allé. Fait que c'est pour ça... Susceptible en plus. Ben oui, c'est ça. Quoi? C'est pour ça que je nous envoie chier, hein, du moins ces temps-ci, parce que ça matière à changement. En terminant, parce que je ne veux pas te prendre trop de temps dans cette émission-là, mon fils, cette semaine, il me dit « Papa, c'est à cause de qui que Angèle Dubois a un album qui s'appelle « Violon du monde » ?» Et tu vois, c'est ça le problème, Tommy, c'est jamais de la faute à personne. Merci. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Ça, c'est rajouté un lait. C'est ça. C'était facile de ne pas avoir l'air d'une gang de creeps qui... Ouais. En tout cas, anyway, Angèle, elle ne peut pas violer personne. Elle peut. C'est pas vrai. Non. Puis toi, parler de viol avec un micro, comment tu es à l'aise avec ça? Oui, je pourrais te parler d'Angèle Dubois pas mal plus facilement que de te parler de viol. Penses-tu qu'elle cochonne? Écoute, dans les bonnes circonstances, le GHB est inventé pour une chose, hein? Fait qu'Angèle... Fait qu'il s'est rendu à parler de viol, finalement. GH Dubois, genre, ouais, finalement, on a parlé de viol. Non, mais moi, je parle pas pour moi, là. Je m'exclus de ça, là. Non, mais, non c'est ça, tu parles pour les autres. Je focus sur Angèle. C'est là, ça. Angèle et le violon. Et le jeu de mots louche de marde, là, tu sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est... En fait, c'est même pas un jeu de mots, c'est littéralement quelque chose. Elle nous parle à l'impératif. C'est une erreur de marketing, mais qu'est-ce que tu veux? Elle doit être autoproduite, elle, t'sais. Ça se peut, ça se peut. Ouais. Angèle, non. Toi, ton album, il s'appelle comment? Ah, Colin. Le premier s'appelait La Pas du Grain, tu sais, puis sérieux, tu sais, on se disait qu'on vivait pas de la musique, fait qu'on a rendu ça agricole, tu sais. Genre alcool de grain. Ouais, on l'a pas du grain. C'est pas fou. Là, après ça, ça s'est appelé médecine de cheval. Médecine de cheval? J'adore ça. Faut pas voir comme le lien évident avec le PCP quand même. Ben non, là, ben non. Non. Ben non. Ça n'est, là. T'es pas en train de dire ça n'est pas, mais. Ah, moi je te laisse. Je te laisse écoute, avec ton idée. Chaque personne a son idée. Et ces albums-là sont disponibles de quel. En show puis en ligne. En ligne, c'est le fun, ça. Ouais. Fait que. Ou dans mon entier... troc, j'en ai dans mon troc, là. Ouais, ouais. Pour les gens qui nous écoutent en ligne en avant de leur ordi, ils peuvent aller sur blaisentier.com. Ouais. Ou chercher ton troc. Puis sur Bandcamp. Ouais, c'est ça. Sur Bandcamp, vous avez un Bandcamp. Oui. C'est ça qu'on voulait entendre, oui. Guillaume. C'est ça on qu'on voulait ça. Entendre. Passe le micro à Kevin à ce temps. Ouais. OK. Ouais. Allons, on passe au prochain. Calvaire. Porte de lance. Allô, hey, bonne année les amis. Salut Mathieu, bonne année toi tout aussi, le monde. Toi aussi, bonne année, ben oui, bonne année. Ça va bien? Oh, ça va, je pense que ça va bien. Ça va. Ah, est-ce que ça va bien? Bon, c'est, ben pas pire, voilà, c'est pas pire. Voilà. Si je le recrée une deuxième fois, tu vas voir, ça va aller encore mieux. On essaie-tu? Ok, ça va bien tout le monde. Un bon public, un bon public. Ah, il était assez énervé. Ouais. Parle-nous, man. Hey, passez un beau temps des fêtes. Ah oui, il y avait ma mère. Ah, ben c'est nice, ça. Ben oui, c'est cool. Elle est cool, ma mère. Cool. Elle est pas si grosse que ça. Hein? C'est bon, on n'en parle plus. Ok, je suis confus, c'est pas grave. C'est bon. Moi, j'ai vu qu'en 2016, on a eu beaucoup de reboots puis des suites de vieux films. Puis moi, je me suis dit qu'en 2017, on allait continuer puis encore plus. Fait que je me suis dit je vais faire une liste de films que je veux une suite ou un reboot. Puis j'ai des arguments de poids pour contrer ça. On parle de cinéma avec Mathieu de Portalance. De cinéma, voilà. Alors moi, mon premier film, ben oui, c'est sûr, c'est Super Mario Brothers The Movie, la suite du film de Mario Bros. Parce que on le sait, premièrement, le film termine sur une suite. Un cliffhanger. Un gros cliffhanger, puis il n'y a jamais eu de suite. Ouais. Fait que bon, on veut une suite. Deuxièmement, il y a une sortie en Blu-ray qui se prépare prochainement pour célébrer le... Pour souiller une nouvelle génération. Le 37e anniversaire. 27e, c'est ça. Pour souligner le 27e anniversaire. Quelque chose du genre. Special 27th Anniversary Edition. Genre, exactement. Mais tu sais, c'est whack, mais et c'est Mario... Il se suicida comme une rockstar à 27 ans. Exactement. Ah, mais tu sais, c'est un peu whack, mais c'est Mario Bros, le film, fait c'est pas whack, finalement. On pourrait faire une suite avec Bob Hoskins, mais en infographie. Ben, c'est ça, mon troisième point, c'est fuck la mort de Bob Hoskins. On fait du CGI comme qu'on fait dans Star Wars Rogue One. Ouais. Spoiler! Ben, j'ai pas dit qui, mais il y a des personnages qui reviennent en CGI. Fait que... Ils s'en iront jamais. Man. Et voilà. Ouais. Oui, mon deuxième film, écoute, une bonne production québécoise des années 80. On le connaît tous, c'est Rogers Normandin, la quatrième dimension. Moi, j'aimerais avoir la cinquième dimension. Avec Rogers Normandin. Mon premier point, c'est que c'est produit localement. Fait que c'est maison. On aime ça. Mon deuxième point, c'est que c'est très populaire partout au Québec. Fait qu'un GoFundMe fait par le public pourrait être gagnant. Donc, tout le monde ici, on pourrait donner une petite pièce à Rogers. Puis, on pourrait avoir une suite au film. Je cote pour mes parents. Ouais. Voilà. Et avec la technologie d'aujourd'hui, Rogers aurait accès à des milliers de ressources pour l'aider en montage. Puis tout. Fait que là, c'est téléportation un petit peu partout, genre dans le monde. Ben, tu sais, là, il va y avoir du budget. Puis tout. Fait que... il pourrait voler même s'il n'y a pas de grue. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que Rogers Normandin, s'il entend ça, on veut une suite. La cinquième dimension, s'il te plaît. Comment qu'il pourrait le gagner? Parce qu'il gagne le pouvoir de la quatrième quand il s'enfarge dans balayeuse puis il se cogne la tête sur une table de chevet. Une autre balayeuse. Là, il pourrait comme essayer de se peigner avec un peigne électrique en prenant sa douche. Ou échapper le couteau du beurre dans le toaster ou quelque chose du genre. Ouais, c'est bon. Ou s'enfarger dans la balayeuse de la piscine. Ah, c'est... Là, passer proche de se noyer. Genre. C'est ça. Mais il il peut pas se noyer. Il va être dans la cinquième dimension. Fait qu'il est invincible. On le sait tous. Oh, c'est vrai. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Parce qu'il gagne le pouvoir de faire régner la justice en toute légalité. Exactement. c'est bon, ce français. Mon troisième film, c'est E.T. J'ai aucune raison valable. Je veux juste un E.T. 2. C'est juste ça. Fait que E.T. 2. Steven Spielberg, go for it. Quatrième film, Space Jam. Space Jam 2. Écoute, Premièrement, c'est un film qui rassemble les plus grands et les plus jeunes, étant donné que c'est les Looney Tunes. Moi, quand j'étais jeune, j'adorais les Looney Tunes. Puis mon père, ben, il m'a fait écouter ça parce que lui, il aime le sport. Fait que, tu sais, ça a comme... clouc! Ça rassemble les plus jeunes et les plus vieux. Deuxième chose, c'est que ça motive les jeunes à faire du sport, à jouer au basket, lâcher les Nintendo puis les Xbox, puis jouer au basket avec Bugs Bunny, tu sais. Ou à jouer à un jeu de basket au Nintendo. Au Nintendo, ben ça, ouais. Ouais, aussi. Un jeu de basket de Bugs Bunny au Nintendo. Ouais. Avec mon père. Puis, troisième point, c'est que je veux juste revoir Bugs Bunny dans son état pur, parce qu'il y a eu des reboots encore qui, à la télé, puis des affaires, mais c'est pas le même... Tu sais, Bugs Bunny en super-héros, puis des affaires... ça, c'est plus le bon vieux Bugs qu'on connaissait, mais ça, dans Space Jam... Tu veux dire qu'il s'habillait en fille, puis qu'il insultait tout le monde? Ben ouais, c'est ça, puis qu'il était violent, puis ouais. Moi... C'est ça. Un déviant psychopathe. Exactement. Mon dernier film, c'est Ding et Dong, le film 2. Pourquoi? Parce que ça me tente de revoir Claude Meunier puis Serge Tellier ensemble, mais en dehors de La Petite Vie, parce qu'ils ont fait beaucoup, ils ont fait La Petite Vie, Le Bogdan 2000, Solo de Noël, Noël Story, il y a eu Le Timmy Show, tu sais, mais là, Ding et Dong, le film 2, ça serait écœurant. C'est une production québécoise, comme j'ai dit tantôt, pour Rogers, produit ici, donc on veut ça. Troisième chose, c'est que la scène de la cascade est vraiment nice dans le film. Tu sais, la scène de la cascade, je l'ai réécoutée hier, là. Je me dis, la scène de la cascade 2, ça serait hot aussi. C'est ça. Fait que ça fait le tour de ce que je veux avoir en 2017 côté cinéma. Fait que voilà. Il y en a des plus réalistes que d'autres. Ouais, ben tu sais, t'as le droit de rêver, Mathieu. Je suis content que t'ailles partager ça. Parfait. Avec nous. Et voilà, merci beaucoup tout le merci, monde. Merci, Mathieu Portalance. Et d'ailleurs, tantôt, Mathieu et son frère vont être les VJ pendant 2 heures. Ils nous ont amené un petit cocktail de choses particulières. Est-ce que t'aimes ça, toi, Kevin, les VJ? Ouais. Mais je connais pas très bien, mais j'aime ouais. Ça les regarder. Là. Est-ce que tu penses que le métier de DJ, c'est quelque chose qui va rester encore longtemps sur la terre? La bonne réponse, c'est non. Pourquoi? Pourquoi non? Ben, à quoi ça sert un DJ? Ah, oh, j'ai compris le DJ. Ça sert à remplacer un band pour fucking plus cheap. Ouais. C'est à ça que ça sert. C'était plus avant. À cette heure, ça sert à prendre la place d'un programme qui lit des affaires sur Shuffle. Ouais, pour ouais. Fucking plus cher. Non, mais tu sais, t'as DJ en show à soir, puis là, t'es comme, là, comment est-ce que ça se fait un DJ en show? C'est magnifique, tu sais, voir un gars qui twist des platines, tu sais, genre, les couilles, même. Ah, ça fascine. C'est un show, c'est un vrai show. Moi, ça me fascine. Ça me fascine que ça existe. Fait que, tu sais. Médecine de cheval, hein. Ouais, ouais. Bon. Je pense qu'on est prêt pour le prochain. Hein? T'es prêt? Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast PODCASSE ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. T'es à l'aise? On est à l'aise. Introduite par les douchebags pour la première fois, Marianne Tremblay-Gosselin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Tommy, tu vas bien? Ah, moi, je vis des moments extraordinaires. Comme j'ai même une bière qui s'en vient, c'est capoté. Comme dirait l'autre, extraordinaire. Oui, l'autre. Mais c'est ça, en fait, c'est ma première chronique à 70% ici, mais c'est pas ma première à vie. C'est vrai. Parce que j'étais là à douteux.tv. C'est vrai. Ça fait longtemps, nous autres, qu'on se connaît. C'est vrai, c'est vrai. Ouais? C'est vrai. 10 ans du douteux. En fait, le 2 ans du douteux, j'étais là sur la scène. C'est je te fais confiance là-dessus. Puis, puis en plus, on a déjà joué à Magic ensemble, puis je t'ai battu avec ton propre deck. Bon! Allez chier! Bon, ben passons aux choses sérieuses, Tommy, à cette chronique que je m'apprête à te présenter. C'est qu'en fait, comme chaque pierre du pavé est un chemin vers Rome, hein, on va commencer par le commencement. Et je vais vous parler de mon chat! Il y a 8 personnes qui sont contentes. Non, mais Mais attends, faut savoir, j'aime Tommy, parce que le chat, tu sais, c'est quelque chose d'essentiel. Ça regorge, tu sais, dans les réseaux sociaux, ça embourbe tout, ça gonfle les views et ça assure la réussite. Hein? Non? Oh. Non? Oh, oui. Charles, tu vas nous expliquer ça. Ça va se faire tranquillement. Je vais dire... Ah, fais comme chez vous. Merci, c'est gentil. Fait qu'on parle de ton chat. Oui, non, c'est ça. En fait, on va parler de mon chat parce que mon chat, c'est important. Il s'appelle Shaman, hein? Puis oui, absolument. Et ça fait 9 ans que je vis avec la bête noire. Puis ça se passe plutôt bien. En fait, avec les calculs de ma voisine au-dessus, on a... Le chat aurait 23 ans. Non, mais attends, le 23 ans pour un chat, tu y penses-tu? Moi, j'ai été faire mes recherches sur Internet et contrairement à ce qu'on pense, les chats ne vieillissent pas de 7 ans par an, hein, comme on dirait pour les chiens. Mais à 10, en fait, après la première année, le chat top ses 19 ans. Okay. Après ça, on suit une courbe qui est quand même assez régulière de 4 pour 1. Puis après ça, à 18 ans, ça tombe à 6 pour 1. Là-dessus, vous me suivez tout le monde? On suit. Fait qu'après calcul... Il y a quoi, il y a 182 ans? Non, en fait, il y a 118 ans. OK, fait qu'il dort dans sa litière. Il est plutôt enfant, plutôt heureux pour un chat de cet âge-là. En fait, il lui manque une dent, tu sais. Puis il vomit partout, hein, comme le font les chats. C'est tout à fait normal. Ah ouais, non, certainement, tu sais. Ça vomit partout, ces bêtes-là. Puis c'est... indéfectiblement sur mon tapis qui vient vomir, tu sais. Puis là, tu te dis, OK, il y a 10 % de tapis dans toute cette maison et à chaque fois, il vomit dessus. C'est quand même une bonne moyenne au bâton. Il est propre. Il est propre. Mais en fait, moi, ma théorie là-dessus, c'est que le molletonneux du tapis est pour lui, c'est que pour nous, une toilette propre à un climax de jour de l'an, hein? Ça pourrait ressembler à ça, à peu près. On n'a pas les mêmes climax. Ah non? Tout le monde aime les toilettes propres. Non, mais... On n'a pas les mêmes climax? Non. OK, ben je m'excuse. Là, c'est... Non, mais... On n'a pas vu les mêmes parties. Moi, il y en avait beaucoup qui étaient malades les jours de l'an parce qu'on n'est peut-être pas dans les mêmes parties. Les gens sont peut-être plus responsables par chez vous. Médecine de cheval. Je pense qu'on n'est pas dans les mêmes parties. On n'est peut-être pas dans les mêmes parties. Hey, seriez-vous pas dans les mêmes parties? Hey, ça se peut que je n'ai jamais vu la tête dans un party! Me semble. Monsieur Blais. C'est extraordinaire. Fait que là, t'es en train de nous raconter... Mon chat qui vomit, mais j'arrive à quelque... Non, mais attends. J'arrive à quelque chose, tu sais. Parce que c'est... moi, je suis passée par toutes les étapes du deuil. Ça n'avait aucune fin. J'ai essayé de lui expliquer, tu sais, que notre vie commune serait mieux s'il vomissait sur le plancher plutôt que sur le tapis. Fait que j'ai garoché le chat hors du tapis, hein. Puis des fois, quand j'entendais gaguer, j'essayais de le prendre de court, tu sais, puis de le revirer de bord, mais c'est toujours dans les airs que le chat explosait tel un gicleur par un bel après-midi d'été sur la rive sud. Sur 90 % du reste de l'appartement, je le précise, hein, Tommy. Je passais par toutes les étapes du deuil, hein. D'abord, il y a le choc, je me dis, ça y est, il est vieux. Après ça, il y a le déni, je me dis, hostie, il est juste con, tu sais. C'est un chat, il est vieux, il est con. Il sert encore à quelque chose, genre, c'est le déni. Non, c'est ça, c'est le déni. Puis après ça, il y a la colère, tu sais, t'es en crise, tu le fous dehors, il se met à hurler à la porte, rien savoir, tu le rentres, t'as rien compris de ce qui s'est passé. Il longe les murs pour se rendre jusqu'à ton tapis dans ta chambre pour vomir dessus. Encore une fois, tu te dis, oui, Chris, mais pourquoi mon hostie de tapis, hein? Mais j'y ai réfléchi, hein, parce qu'à un moment donné, c'est pas bien de vivre dans la colère. Je me suis dit, il va bien falloir que je finisse par le comprendre, ce chat-là. Puis je me suis dit, peut-être que mon odeur, ma présence dans cette chambre, ça le rassure, hein. Fait que s'il a la chance, il va aller dans cette chambre-là, ce qui augmente nettement le pourcentage de chances qu'il se trouve, le déluge en question, hein. N'est-ce pas? Alors, tu sais, est-ce que je devrais prendre ces débordements de tapis comme une preuve d'amour, Tommy? Moi, en tout cas, je te trouve brave. Ben oui. Ah oui, non, oui, let's go. Non, mais peut-on en vouloir à une bête qui ne demande qu'à être aimée, tu sais? Ouais, mais tout ne demande qu'à être aimé. Hein. Même le cancer demande juste ça. Non. Ben, en fait, gars, écoute, À la lumière de ce que j'ai vécu, de mon expérience, je me dis que lorsqu'on ouvre la porte, il est possible, voire fort probable, qu'on vienne vomir sur ton tapis. Plus on est ouvert, sincère et accueillant, plus on s'expose à ce genre de situation. C'est à nous de prendre conscience et d'y répondre. On veut pas vivre la porte close, Tommy, hein? Fait qu'il y a trois grandes réactions dans la vie que je vais classer grossièrement, hein, pour pas insulter personne. Mais, tu sais, il y a les premiers qui vont faire entrer tous les chats de ruelle, qui vont vomir partout dans la maison. Ça va devenir un environnement super toxique. C'est très gras, là, ce que je dis, hein? La deuxième va claquer la porte au moindre gagage, tu sais. Puis, par exemple, dans le cas de la sagesse, mon bon Tommy, ça nous pousse à d'abord être sélectif, se poser des questions et avoir de l'empathie. Après ça, il faut faire le tri. Pour ma part, je laisse ma porte ouverte à de nouvelles rencontres, à de nouvelles tâches. Je flatte dans ma cour les chats errants, mais je ne laisse entrer que les amours véritables. Et du haut de ma grande expérience, je choisis à qui la chance de vomir sur mon tapis. C'est rendu une métaphore sur ta vie personnelle, ça, là. Là. Mais c'est qu'il est futé! Parce que le chat, je l'aurais écrit ça dans le blender, ça fait longtemps, ouais. Tabarnak! Un chat de 23 ans dans le blender. Hey, c'est assez. Ça t'apprend un blender king size. Non, mais j'ai quand même un four à convection chez nous qui peut monter jusqu'à 500 degrés Celsius. Ah, tu y as déjà pensé, j'aime ça. Ah, moi. Écoute, à chaque jour, mais le chat, il est incroyable, il miaule constamment. C'est une vieille bête, t'as le goût de caresser jusqu'à il tourne le cou. Mais enfin, je l'aime beaucoup, hein? Ça paraît quand t'en parles, ouais, ouais. Non, tu nous racontes tous les beaux côtés. Hein. Mais la moralité de tout ça, c'est aimez-vous les uns les autres, mais faites-le de manière intelligente et protégez-vous. Ne laissez jamais s'immiscer des gens qui n'en valent ni la patience ni la peine. Le tapis de la vie est bien trop court pour se prendre les pieds dans une tale infinie de fleurs gastriques. Assurez-vous que ceux qui entrent chez vous vous aiment, soient généreux et autant que vous l'êtes envers eux. Voilà. Ça fera plus de place aux vrais amis qui viendront vomir chez vous. Hmm? Et pour terminer... Parce que les vrais amis, c'est ce que ça fait. Je cherche une place vomir. Et voilà. Ton odeur me rassure, j'ai le vomi. C'est exactement là, tu dors là, mon ami, je suis à côté. Là. Bon, ben pour faire la conclusion de tout ça, ben Tommy, faut toujours se rappeler quand même notre condition humaine et ne pas être trop dur avec les camarades qui vomissent sur notre tapis, hein? Parce que vomir sur un tapis a bien des métaphores, hein? On s'entend. On salue Israël. On salue Israël. Voilà. Comme chier sur un laptop, tu vois. Comme chier sur un laptop. Ou juste à côté de la litière, là, parce que ça manque de vision. Non, voilà. Donc, c'est ça, c'est de ne pas être trop dur avec les gens, car Tommy, tôt ou tard, il nous arrivera de vomir sur le plancher de quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est vrai. Bon. Ça, oui. C'est... Merci, Marianne. Marianne Tremblay-Gosselin. Oh, boy. Quand même, hein, elle engraisse une machine à pioque, là, ça. Hey, je sais pas... C'est courageux. Toi, t'es-tu un amoureux des animaux ou juste de la médecine? Non, je suis un amoureux de... Ben, j'ai ma chatte Sophie. Puis là, je me sentais vraiment interpellé par... Parce que moi, elle chie à côté de la litière, tu sais, puis je sais pas comment il dit. Ça se fait pas. C'est sûr, ça parle pas français. Tu as essayé d'apprendre le cantonais, puis... peut-être? Non. Même pas. C'est juste, bon, OK, tant qu'elle pisse pas, je vais la garder, là, tu sais. Fait que là, tu sais, elle sépare les... Non, fait que là, vous êtes rendu au moment de votre relation entre toi et ta chatte que c'est toi qu'il faut qu'il fasse des compromis jusqu'à temps qu'elle décide d'aller vivre de nouveaux défis dans une autre réalité. Ouais! All right, c'est bon. En tout cas, à chacun ses choix. Je pense qu'on est prêt pour le prochain, s'il vous plaît. Un homme est entré dans une banque de San Diego demandant l'argent de la caisse. Avant de faire sa demande, par contre, l'homme se serait tout d'abord conformé à la demande de la caissière qui lui avait dit de glisser sa carte de débit avant de commencer la transaction. Alvin Lee Neal, 56 ans, a rapidement été retrouvé par les services de police. Il aurait immédiatement avoué le vol et aurait remis les $665 qu'il avait volés. Il a été condamné à 3 ans et 10 mois de prison. 665, j'aime ça, c'est proche d'un chiffre important, hein? The number of the bite. Ouais. C'était lui le bite là-dedans. C'est une cave. Il a laissé sa carte d'affaires. Donne-moi l'argent. Okay, next. Et finalement, Joseph Talbot de Wayne County dans l'État de New York a été arrêté pour conduite en état d'ébriété. Son arrestation ainsi que sa photo ont été publiées dans un journal local. L'homme de 43 ans a décidé de tenter d'acheter toutes les copies du dit journal, soit près de 1000 copies. Il aurait essayé de tenter d'acheter 1000 copies à 1,25$ chacune afin d'éviter que quiconque ne soit au courant de son méfait. Malheureusement pour lui, le journal est tiré à 12 000 copies. En plus d'être disponible en ligne. Et ils n'avaient pas le budget. Sinon, d'habitude, ils font une réédition quand ils réussissent à passer au travail de toute la gang. Fait qu'à un moment donné. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs, de toute beauté. Ce qui nous amène, en fait, à la fin de 70% version assis, moi, avec un micro. On est très content d'avoir les amis de Blé Entier qui vont parler. En fait, ils vont chanter dans quelques instants. En attendant, merci à Bruno, merci aux techniciens, merci à Élise, merci aux douchebags. La majorité vont participer d'ailleurs. Monsieur Terrien, Cardinal et Giraud vont être dans le show de Blé Entier. Laissez-nous quelques instants pour changer la scène. Vous allez avoir un spectacle live. C'est capoté. Salut, brouhaha! Il est ici. Est-ce qu'on a de l'accordéon dans le mix? Yeah! Oui. Tout le monde est là, tout le monde est là. C'est toujours bon fun de partir de quoi quand tout le monde est là? OK. Jésus me surveille avec ses grands yeux bleus debout sur mon tableau d'or. À travers toutes mes malheurs, c'est lui qui me redonne du cœur, me redonne confiance en mon triste sort. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique qui trône au sommet de mon tableau d'or. Il m'apporte l'abondance, je n'ai aucune autre croyance. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Vas-y, qui est là? Sur l'autoroute où les chemins de terre avec son père. C'est pas son problème. J'ai intérêt à marcher droit. Il garde ses yeux braqués sur moi et sur tout ce qui se trouve derrière. J'ai un Jésus en au plastique, un petit Jésus en plastique qui trône au sommet de mon tableau de bord. Même si le soleil lui fait fêler le dos, je m'en fais pâter, ça paraisse pas trop que ça préserve plus longtemps son corps. Vas-y, Claude! Quand je croise des piétons, je me sers jamais de mon klaxon parce que ça peut faire bien plus de dégâts. Même quand autour il fait bien noir, avec Jésus je vois toujours clair, je me fie avant tout sur son aura. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique qui trône au sommet de mon tableau bord. J'ai beau essayer de rester sobre, je serai jamais plus blanc que sa robe jaunie par la fumée de mon gros cigare. Par malheur, la police surgit, mon petit Jésus, il vaut son petit d'or. Son seul regard me fait à l'enquête, en suit Jésus, j'y dévisse la tête, car il contient un bon raison de fort. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique, qui trône au sommet de mon tableau bord. De l'abondance, je n'ai aucune autre croyance. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Oui, oui, et une chanson de peine d'amour à chanter à 3h du matin en bas de la fenêtre de ton ex que tu veux reconquérir comme un hostie de jambon! Ah, le monde aime ça, le jambon, ici? Ouais, jambon! Ah, je vous ai pas entendu, là! Jambon! OK, on part ça. Un, deux, trois. J'ai vraiment mal tourné depuis que t'es parti sur un coup de tête à l'autre bout du pays. Ton fantôme n'a rien que la pierre qui rend. J'ai vraiment mal tourné depuis que t'es parti. Claude Urtubiz à l'accordéon, Jocelyn Therrien à la guimbarde. Et Kevin Tom à la guitare. Guillaume Blais aux compositions, au banjo et à la voix. Ah! Et voilà, voilà une chanson qui a fait du chemin en 2015. Et ne manquez pas l'album maintenant. Ah! Oui, Jean-René. Jean-René. Jean-René. Il te sourit derrière son regard, ma cœur, il te perçoit comme un voleur. Je pars en arrière, je vais me chercher une bonne petite bière, on vient de faire. Il est bien content, je lui donne un deux, il est bien heureux. Jean-René Wong, c'est un chinois québécois, propriétaire d'un dépanneur tout près de chez moi. Jean-René Wong, c'est un chinois québécois au coin Villeneuve et de Grand Prix, tu peux pas le manquer. C'est un chinois québécois, propriétaire d'un dépanneur, tout près de chez moi. Jean-René Wong, c'est un chinois québécois, au coin Villeneuve et de Grand Prix, tu ne peux pas le manquer. Même si je l'ai tous les jours, son grand sourire me joue des tours, j'aurai jamais si c'est un bon gars. On se parle pas de paix, puis je m'en vais. On s'appelle Blais Entier, puis on va être partout en province en 2017. Merci, merci. Merci à tout le monde ici. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. La bière est bonne ici. On va en boire une coupe d'autre. Yeah, yeah. Merci aux douteux. Merci aux douchebags. Merci à Moustache au son. Merci, merci. Merci à Veston, à l'humour. Merci à Tommy, à l'animation. Merci à tout le monde. Hey, hein? Sacré. Oh! Je vais prendre celui-là, ça va aller mieux. Merci beaucoup à vous. Blais Entier, s'il vous plaît, allez voir le Bandcamp. Ils ont vraiment sorti le grand jeu. C'était une sacrée aventure. Merci encore à Alex. Wow! Ça va être en ligne, puis on va être heureux, c'est sûr et certain. À partir de maintenant, on va commencer à sortir des projectiles. Vous savez comment ça marche? On vous dira pas quand c'est important d'utiliser les projectiles. On va juste les sortir. On espère aussi que les porte-lances vont sortir quelque chose de divertissant, ce qu'ils font d'habitude par la force des choses. Donc, moi, je prévois que dans environ 2 heures, je devrais revenir vous parler du long-métrage qu'on écoute ce soir, l'excellent Hard Ticket to Hawaii du père et du fils Sidaris, des héros quand vient le temps de trouver un prétexte pour montrer des courbes de filles. C'est pas tout le monde qui a ce talent-là. Donc, c'est avec grand plaisir que je remercie une dernière fois Alex Larocque, notre technicien. Je baisse l'écran, puis on s'en va faire autre chose. Merci, la gang. Vous êtes unique. Vous êtes la gang allumée énergie. C'est vous autres. Vous êtes mon beach club personnel. Chaque dimanche, chaque lundi. Chaque lundi. Let's go, les porte-lances. Feu! À moins que vous vouliez que je parle encore, là, mais j'ai bien fini. Là. OK, on me dit qu'il faut que je rajoute des mots. Est-ce que vous savez qu'il y a à peine 3% de la population qui sait coudre avec des baguettes? Ça, c'est une des affaires qui s'est le plus perdue en deux générations. Avant, à peu près tout le monde savait faire des points simples, puis on était capable de transformer de la laine de brebis en quelque chose pour s'habiller l'hiver. Et ça, c'est une tradition qui s'est perdue. Qui ici, par applaudissement, a déjà été à la pêche à la glace? C'est-tu plate en tabarnak à la pêche à la glace, hein? Là, il faut que t'ailles faire le tour des lignes, fais fret, tu mets du bois dans le... Ah, c'est plate. Je sais que c'est plate. Sinon, une autre affaire. Moi j'ai déjà pogné un jeu au crib. Vous savez, le crib, le jeu de cartes. Moi, j'ai déjà pogné 28 à ça. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pogné un jeu de 29 au crib? C'est ça, Étienne, c'est ça. Quelqu'un qui a... Moi aussi, je connais. Moi, mon cousin aussi, il a déjà pogné 29. Ouais, c'est ça. Ce qui m'amène à... Je peux rajouter du buffer encore, hein? Parce que moi, vous savez, faire des jokes, c'est pas juste une personnalité ou quelque chose, c'est un besoin. Et si je fais pas une joke à chaque 22 minutes, je vais mourir dans ma bile. Et ça, ouais, ça arrête jamais, j'en produis de la bile. Là je fais une joke, ça fait que là, le niveau de bile redescend. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait c'est quoi de la bile? Ouais. Okay. Parce qu'on a parlé tantôt, on parlait de chat pis tout, pis l'autre endurait le chat qui vomissait partout, là, mais il paraît que c'était une métaphore. Il paraît que son chat lui redonne quelque chose, lui redonne de l'amour. Ouais. Passer 100 ans à un moment donné, passer 20 ans à un moment donné, faut que tu choisisses tes combats, hein. Comme moi, je peux-tu arrêter de parler, là? Ouais. on me dit oui, on commence avec les VJ Portalance! Ici Jean Perron, si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Vous écoutez présentement Radio H. Ah, le micro fonctionne. Je vois rien, j'ai spot dans les yeux. Merci aux frères Portalance. J'adore quand ils font les VJ. Il n'y a vraiment pas beaucoup de bouchons à ramasser. C'est hot, les gars, je vous aime. C'est le moment de l'encan. Vous savez c'est quoi un encan? Vous nous donnez de l'argent, on vous donne des cochonneries. Parfait. On est pauvres. On fait ça pour se financer. Les caméras, le technicien, Alex Larocque, on y donne une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Blé et Antille sont partis, fait qu'on les applaudira pas. Donc, ouais, OK, c'est correct. T'as envie? Bon, OK. Fait qu'on fait un encan, on est pauvres, ça sert à nous financer. On est un organisme à but sans lucratif. Abus non lucratif. Ma merveilleuse Vanna White ce soir. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Jonathan Simon. Fait que moi, je niaise pas avec les encans. Ça va à deux fois. Ça monte par pièce. On commence ici avec un T-shirt de Star Wars. C'est un small. Ça veut dire que ça me fait pas. Ça me fait pas moi non plus. Ça me fait... Alors, ça commence à une pièce. Une pièce là-bas. Quatre pièces une fois. Cinq pièces. Six. Sept. Huit. Huit. Hein? 10 piastres! Une main d'applaudissement pour un gars qui va casser un verre puis on va y redonner un mauve. Non, ben oui. Ben oui, s'il donne un 20, on va y redonner un 10. À moins que tu bêtes en 12! Oh! Car... La charmante Carly Voili du Spa Poilu. Du Spa Poilu. Non, mais tu sais, elle va donner 12 piastres pour le t-shirt de mon gars. Ça va être pour ta fille. Mon gars l'a porté. Puis, ouais, c'est mon petit gars, mais il est rendu grand. Mais pas aussi grand que ma fille de 13 ans qui est grande comme moi. Je niaise pas. 12 piastres une fois. 12 piastres deux fois. Dernière chance. Vendu à Carly du Spa Poilu pour 12 piastres. Hey, merci Carly. Bon. Gracieuseté de qui? Moi, ouais, ta gueule, Tommy. Tommy, mon ami d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 10 ans. Ouais, mais j'attends Vanna White. T'es là? T'es là? Oh! Une marionnette! Asti, je vais venir. Oh. Deux marionnettes! Oh! Il y en a une toute de cuir vêtue. J'ai envie de la mettre dans le... Non, c'est pas vrai. Hey, deux... Non, dans le pétue. Merci. Alors, hey, Jonathan? Moi, ouais. Ouais, essaye-le. Oh, wow, la main bien profonde. Oh, Yann. Wow, hey. 10 piastres! 10 piastres, hey. 12! 12 piastres une fois. 15 piastres une fois. 17 une fois. Non, on monte par increment d'une piastre, fait que t'es rendu à 20, Bruno. Non, t'es rendu à 20. Fuck off, là, je calcule pas SN. OK, Bruno, dit 20, merci. Où était 10 20, Bruno? Ça te va? Tu me donnes un 20? OK, 19, ça va. 19 une fois? 20 piastres. Wow, c'est vrai que c'est deux marionnettes. 20 piastres une fois? 20 piastres. Deux fois, 20 piastres. Vendu! À notre super VJ, Chris, on dirait de l'autofinancement. C'est les douteux qui gagnent à soir. Faut dire qu'il n'y a pas grand monde à part des douteux qui restent à ce stade-ci. C'est dommage parce qu'on va écouter un excellent film dont Tommy va nous parler tout à l'heure. Alors, Vanna White, qu'est-ce qu'on passe en prochain? Un autre T-shirt. Get Wild. Get Wild. C'est qui est dessus? Comment il s'appelle? Voyons, comment il s'appelle, ce gars? Ah, Daniel Courteau, c'est ça, ouais. Daniel Courteau? Ouais, il chante Get Wild. Fait que ça commence à une pièce, même si Tommy en veut 15. Oh, Tommy a bêté 15 dessus. Tommy a bêté 15. 15 une fois? Hey, come on, là. OK. Moi, je bête 15 piastres deux fois. Ouais, OK, Tommy, merci. On a-tu d'autres choses à vendre, Tommy? C'était juste ça. Bon, ben, écoutez, je vous passe, Tommy. On va écouter un excellent film. Moi, je vous laisse entre d'excellentes mains. Ça m'a fait plaisir. Non, mais... Hey, Tommy, il me doit un coup de poing dans le ventre. Est-ce que vous voulez voir ça? Merci beaucoup, Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. Pas de joke, je lui dois un coup de poing dans le ventre, pour vrai. C'est une histoire assez weird. On va écouter quelque chose d'assez spécial. Juste avant de sombrer là-dedans, je veux remercier le travail des Portalances qui nous ont fait un kit de VJ et qui sont partis avec les mascottes, si vous voulez. Oui. Maintenant, douteux.org, à la base, on voulait montrer des longs métrages et avec le temps, on s'est trouvé des amis, on a créé des shows de qualité qui sont des podcasts qui commencent autour de 18h à cette heure. On met un set de VJ. Au début, quand on écoutait des films spéciaux, on appelait ça les clips. Au début, on appelait ça les mises en bouche. On appelait ça les entrées. Comme quand il y a un petit plat d'olive avant de te pitcher dans le T-bone. Et là, ce soir, on a un calice de T-bone pour vous autres. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà vu le long-métrage « Hard Ticket to Hawaii »,« Un billet dur pour Hawaii » La métaphore de dureté est quelque chose d'important à l'univers des Sidaris. C'est un papa et son fils. Et ça, ça me met mal à l'aise parce que les deux, ils ont une passion débordante et très, très exposée de tout ce qui s'appelle du galbe féminin d'Homo sapiens sapiens. On est devant deux obsédés sexuels avec un budget puis des hosties de pitounes à faire des calendriers. Là, le problème, c'est qu'il faut qu'ils fassent un film d'action avec ça. Fait que là, ils vont engager le meilleur pour les explosions puis un gars là qui a fait du kung-fu. Mais là, il reste un scénario. Et c'est là que Papa Sidaris dit « Ben ça va le faire. » Et le film commence. Il y a plusieurs scènes de ce film-là qu'on a vu en mime caché sur les internets. Un des plus célèbres, c'est vraiment la poupée gonflable qui revole après un chicken contre un gars en skateboard. Ça a l'air con quand je le dis, mais quand tu le vois, c'est bien pire. T'sais. Puis là, ça donne qu'il y a une poupée gonflable qui revole dans les airs. Puis il y en a un qui sort son lance-roquette. Tout est crédible. Là, il pitch une roquette dans la poupée gonflable. Là, ça explose. Et il y a quelqu'un qui grandit quelque part de l'expérience. C'est un excellent long-métrage. On y va, nous autres, de moins 10 à plus 10. On est autour de moins 8. Les gens trippent sur The Room. Mais The Room, c'est moins 8. Le long métrage qu'il va avoir dans quelques instants, en plus, a été traduit en français par des gens qui s'en collissaient. Et ça, ça rajoute une étape. T'sais. Ça, tu les entends, les « je m'en collisse ». Et l'humanité, on est capable de faire ça. On l'a fait, les Sidaris. « Hard ticket to Hawaii ». Tout le monde sont en costume de bain. Toutes les filles, excuse. C'est totalement différent. Merci beaucoup. On est là chaque lundi. Je vais laisser notre cher Alex passer d'autres choses pendant que Mathieu va sûrement passer le Yuki. Hein. C'est toi l'homme de la situation. Je t'aime, Taillon. On se rejase lundi prochain, tout le monde. Faites attention à vous autres. On écoute Hard Ticket to War! Les jeudis douteux. Chaque jeudi à l'Atomique Café, 3606 rue Ontario Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis. Nous sommes Vidéoville et nous sommes à 70%. La première place où on a pris nos vacances. Dans notre gang, mais il y en a un qu'il va falloir qu'il se coupe les cheveux parce qu'on commence à en avoir jusque-là. Je parle pas de toi, Alex. Toi, t'es blindé. Juste avant ça, ça va être 70%. Le meilleur. Non, c'est pas le meilleur de rien. Ça, je pense que c'est. Tout ça. On me fait signe de passer à d'autres qualificatifs. Ce 70% va être meublé d'une performance live de Blé Entier. Et on va avoir... avez-vous pogné le jeu de mots? On va avoir aussi Guillaume Blé comme invité pendant l'émission pour parler de la vie et d'autres choses. Ce sera un privilège. On va revoir Peach qui avait pris la place de Cardinal dans nos douchebags il y a quelques semaines. Et sinon, pour commencer cette soirée qui vous coûte absolument gratuit, on salue tout le monde en ligne qui nous regarde. S'il vous plaît, applaudissez Audrey Deschênes, mesdames, messieurs. Est-ce que vous saviez que pour maintenir la population au Québec... Non, ça bouge pas, ça. Il faudrait que chaque couple ait 2,2 enfants. L'hiver passé, j'ai eu un avortement. Fait que mon 0,2 est déjà fait. J'ai appris que j'étais enceinte pendant que je me pétais un point noir sur le sein, puis qu'il y a du lait maternel qui s'est écoulé de mon sein. Puis... c'était un peu plate parce que ça coulait, tu sais, c'était pas un jet. J'aurais aimé ça surprendre ma coloc en arrivant en faisant comme « Hey! Piou! Je suis enceinte! » Mais ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis tu sais, t'imagines-tu aussi tous les slogans qu'on pourrait avoir avec ça, genre « Eat milk », « Un sein, c'est bien », »,« Deux, c'est mieux », »,« Piou, piou, piou, piou ». Je pense plus qu'il y aurait de polémique autour de l'allaitement public. Mon Dieu, je reconnais même pas mon écriture. Ah oui, OK. Mais comment j'arrive à là? Excusez-moi, c'est un numéro que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai vraiment sauté sur l'occasion d'avoir un avortement. J'étais vraiment excitée. Puis je sais que ça sonne weird, mais il faut que tu comprennes que moi, je vis ma vie de façon vraiment très scientifique. Il faut que j'aie vécu quelque chose pour le comprendre. Des fois, l'été, 30 minutes avant que j'aille dîner, je me mets du miel sur les joues, je sors dehors. Puis quand j'ai assez de mouches qui me tournent autour, je me mets à crier « J'ai faim! » Fait que je pense que je sais comment les gens ils se sentent en Afrique tous les jours. Quand j'ai dit aux gens que j'étais enceinte, tout le monde avait la même réaction. Non. Puis c'est correct parce que je sais que je serais une mauvaise mère. Mon neveu est venu me voir l'autre jour, puis il était super content. Il montrait son chandail avec des dinosaures, puis il y a comme plein de sparkles, puis ça prend pas grand-chose anyways pour faire plaisir à un enfant. Mais ma première réaction, c'est de regarder l'étiquette. Écoute, Thomas, ton chandail, là, il a été fait par des petits-enfants comme toi dans les pays du tiers-monde. C'est pour ça qu'il n'a pas coûté cher. Puis s'il est doux comme ça, ben c'est les larmes des petits travailleurs qui l'ont assoupli. Il s'est mis à pleurer. Je l'ai pris, j'ai mis sa tête sur mon épaule. Je dis, oh, c'est ça, pleure comme ça. Ma tante aussi, elle veut des chandails doux. À moins que tu t'appelles Marie, que tu te fasses toucher par un ange puis qu'il te rappelle jamais le Christ, un enfant, ça se fait pas tout seul. Puis j'étais vraiment pas en bonne relation avec le père de mon fœtus temporaire. Dans le fond, on avait fourré une couple de fois, puis on s'était donné un rendez-vous pour prendre un café. Puis il me dit, Audrey, je suis vraiment content de comment ça se passe entre toi et moi. Tu sais, j'ai toujours eu un faible pour les filles un peu folles. Fait que j'ai commencé à y parler des esprits qui habitent dans son oreille, parce que tu sais, il y a plein de plis. Puis des esprits, là, il me parle, puis il me parle de ses vies passées, puis de ses vies futures, mais aussi des voyages astro qu'il fait dans la nuit. Puis c'est drôle parce que le ton de la conversation a comme changé. Tout d'un coup, il s'est rappelé qu'il fallait qu'il aille mettre de l'argent dans le parcomètre. Fait qu'il est sorti, mais j'ai quand même suivi jusqu'au pas de la porte. Puis une fois qu'il était dehors, j'ai crié « Je sais que t'as pas de char! Je t'ai espionné sur Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, puis dans ta webcam! Je pensais que t'aimais ça, les filles un peu folles! Wouah! » Fait qu'on était vraiment pas en bon terme. Mais mes amis m'ont vraiment mis de la pression pour que j'y dise, fait que je l'ai appelé. Puis j'ai dit, tu sais, on n'était pas sûr si le condom avait pété. Well, I'm having your abortion! J'ai vraiment dit ça. Est-ce que tu savais qu'une clinique d'avortement, ça s'appelle une clinique de planning familial? Je veux juste que tu y penses deux secondes. Le docteur, c'est comme ton conseiller financier qui te dit de ne pas investir dans la maternité, mais plutôt dans quelques sessions de thérapie pour régler tes daddy's issues. Puis le staff, excuse-moi, ton orienteur, est censé être vraiment compréhensif, mais on m'a quand même parlé trois fois de contraception. Ah ouais, t'es sûr que tu veux vraiment juste y aller avec le condom puis la pilule? Parce qu'on a des forfaits vraiment intéressants. Par exemple, avec le forfait La Totale, en plus du condom puis de la pilule, tu peux avoir un stérilet, un condom vaginal, du spermicide, un anneau en ovulant, un dildo plutôt qu'un pénis, un livret sur les plaisirs du sexe anal et un poids pour garder tes jambes de petite salope bien fermées. Ah, oh, c'est ton quatrième rendez-vous! Tu peux repartir avec un Magic Bullet. Fait qu'un avortement, ça se passe en deux rendez-vous. Premier rendez-vous, le médecin rentre dans la pièce, regarde mon dossier, puis elle me regarde, puis elle fait « Oh, c'est votre première grossesse! » Ah, t'es tellement chanceuse que mes pieds soient pris dans des étriers parce que je walkerais all over ta petite face de condescendante. Puis là, elle a fait son échographie, puis elle a caché toutes les photos, puis j'étais vraiment déçue parce que j'aurais aimé ça voir, il y avait l'air de quoi le parasite. Puis des fois, je fais ça aussi avec mon vagin. Je m'assois, Puis là, comme j'ouvre les jambes, puis je prends un miroir, puis je me regarde le vagin, tu sais, il y a plein de plis. Puis là, je fais parler mon vagin, je fais des bruits de monstre ou genre des petits bruits. Là, c'est comme... Puis je fais ça aussi avec l'urètre de mes amants. Puis c'est vraiment le fun quand ils ont la petite peau, parce que tu sais, tu descends la petite peau, puis là, le trou, il ouvre. Fait que là, tu peux faire « Who summoned me? » C'est comme... J'ai plein d'idées de scénarios de films... avec des pénis, puis des vagins, puis du maquillage, puis des costumes. Puis j'ai même trouvé des mini complets pour pénis en ligne. Mais ils n'étaient pas à vendre. Puis en fait, c'est vraiment difficile de trouver des costumes pour des pénis. La seule raison que je peux me l'expliquer, c'est parce qu'ils ont déjà été essayés. dans une clinique d'avortement, tu as plusieurs règles. Une d'entre elles, c'est « amène pas d'enfants ». Puis je comprenais pas. Mais on m'a expliqué, puis après ça, j'ai su que c'était pas ça, un avortement tardif quand ton enfant est déjà né. Ça réglerait vraiment plein de problèmes. Puis j'aimerais ça aussi dire qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça file quand la vie t'est arrachée de l'intérieur. Mais la réalité, c'est que je me suis endormie. Fait que j'assume que le show, il était vraiment plate. Puis je me suis réveillée à côté d'une fille... Puis elle aussi, elle s'est endormie, fait que là, on se parle, puis on rit chacun de nos avortements. Puis à un moment donné, elle me dit, si on s'endormit, d'après moi, c'était qu'on était vraiment bien avec notre décision. Genre plus qu'ils ont comme boosté l'anesthésien parce qu'ils voulaient pas nous entendre crier. Mais avec les bruits de l'aspirateur, je peux vous assurer que ça allait comme tout enterrer. Mais en même temps, je me dis que les médecins voulaient sûrement faire des niaiseries, tu sais. Parce que dans ma tête, quand le fœtus s'y sort, c'est comme un bouchon, fait que ça fait un bruit de... comme un... J'ai de la misère à le faire, j'ai les lèvres secs. Fait que... un bruit comme ça. Fait que moi, dans ma tête, c'est que là, ça l'aspire. Le médecin se met en arrière de la machine. Là, il fait comme... Ready, set, hot, hot, hot! Le fœtus ramasse dans le récipient. Là, ils sortent, ils se mettent ça dans un blender. Ils se font des shooters, des drinks avec des petits parapluies. Ils se félicitent de la bonne journée qu'ils ont eue avec comme... C'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Il y a 100 000 avortements au Canada à chaque année. Puis ça me fait capoter à chaque fois qu'on remet la pertinence de l'accès à l'avortement en question. Parce qu'avant 1988, l'année de la légifération, c'était une des premières causes de décès chez les femmes, les avortements maison. Puis 100 000 avortements par année, ça veut dire... 100 000 plannings familiaux, 100 000 histoires. Ça, c'était la mienne. Mais en même temps, je veux juste qu'on s'imagine, tu sais, s'il y aurait eu comme ces 100 000 naissances-là, est-ce qu'on aurait des chandails doux? C'est tout. Merci.